Le président de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le 7 courant la décision 112 sur la convocation de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée. Selon la décision, la quatrième session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée aura lieu le 29 juin de l'an 105 du JC 2016 à Pyongyang.